Et ouais, on se prend à la vie de l'univers. C'est comme ça. La société parle plus en détail. Il faut donner une définition plus. Définition de Madame Lama, une vie, sa vie, ce qu'on appelle le zoo, détachement avec la vie de l'univers. Nous donnons sa bonne définition là, bonne vraie, bonne sœur. Après, il faut commencer une bonne exemple, bonne motivation qui pour faire nous envie qu'il y ait sa caractère qu'on appelle les autres, qu'on appelle le renoncement à la vie matérielle. Et nous disons qu'il y a important aussi de nous concentrer sur notre caractère là, parce qu'il nous a toujours un caractère, une manière, une petite chose qui fait laver, qui a l'air de société, qui laver, qui a l'air de société, laver, grandir, goûter, pas de l'eau, robinet, ça, pas de l'eau, lance, ça, goûter, le pompier, moi, je vais donner, mais laver, notre caractère, mais pas de zénès, surtout, mais laver, mais la respect, mais la société, laver. Puis, en deuxième position, je me disais encore, là, qui fait, parce qu'il m'a dit, moi, aujourd'hui, beaucoup m'ont dit, moi, pas pour faire balance, pas pour faire tout, tout un caractère qui mentionnait, il a une balance. Qui balance? Par exemple, nous prenons un caractère gentillesse. Un exemple, un caractère gentillesse. Il a une balance. Il ne faut pas dire qu'il est trop gentil, et il ne faut pas dire qu'il n'est pas gentil, dit qu'il est rude. Il y a une balance, ça qui tue ça. Mais dis-moi pas qu'on fait la balance. Dis-moi qu'il peut faire le minier avec lui, ce patron peut faire le minier avec lui, ce monsieur peut faire le minier avec lui. Il reste tranquille, il dit non, gentillesse, ça. Il dit gentil, non hein? Subir. Non. Là, pas gentillesse qu'il demandait, la fierté qu'il demandait là. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, une fois, pourtant Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu connu pour ce gentillesse. Et tu connais pour ce calme, et tu connais pour ce bon manière, bon caractère, un tribu vingetli, pas une tribu là qui fait une certaine insolence envers lui, une certaine manque du respect envers lui. Et tu vois, il fait un bouffon, et je m'appelle de lui ce palais qui vient y être. Il dit, maintenant, pour ça, si je te réveille à quelque chose comme ça, en autre, tu comprends, en la tête, et moi, tu me mets en bas le pied. Parce que là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient de comprendre, c'est pas gentillesse qui est bizarre, c'est fermeté qui est bizarre. Fermeté. Tout qui chose, il y a une balance dans votre caractère. Et à fond, il dit, pas qu'on établit ça maintenant, balance. Il dit, vous êtes dans la confusion parce qu'il nous permet dans l'époque de confusion. Il ne pas connaître qui vient faire, il ne pas connaître quand vient agir comme ça. La sagesse, c'est presque disparaître. La sagesse, qui veut dire? La sagesse veut dire agir the right way, in the right time, and in the right place. À faire quelque chose qui vient mettre quelque chose qui vient dans sa place. Ça fait la sagesse, mon frère. Mais ça, qui chose est enlevé, là, je dis ça. Parce qu'il y a une arrêt à parler avec le grand monde. Et couper avec ma grande monde, avec ma qui tient à l'expérience, couper, nous m'intéresse, je peux bien apprendre sur le tas, on dit. Mais ben, bon, il y a une confusion dans ma valeur, confusion dans ma manière. Qui veut dire zoud, mon frère? Quand l'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit Samirtu Shaykh al-Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, yaqul. Wintan Shaykh al-Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كما سأل الزهد sa phrase qu'appelle الزهد là on les lit الزهد même je te rappelle الزهد زاي ها avec dal الزهد c'est qui tout qui chose qui va profiter nous dans l'akhirat. Et doucement doucement on pas envie de comprendre qui veut dire الزهد parce que combien de gens ne connaissent nous connaissons ça. Un exemple, nous connaissons ça. Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même qui décide tout. Nous connaissons pas, par exemple. Mais qui fait qu'on va aller sur le garçon intégral? Quand on va aller sur le garçon intégral, il dit voilà, si vraiment tu existais là, retourne la vie dans le garçon. Quand on va aller sur le garçon intégral, il peut rentrer la case côté, il dit à son madame comme ça, bébé, t'as pas encore rentré là? Quand on a fait courir. Mais t'es là pour rentrer, t'es là. Sur madame, disant que vous avez pris la côte à tel, dis-moi, les téléphones là-bas, c'est madame, vous savez, quand vos garçons vous venez, vous avez retourné la case une fois. Pourtant, il connaît, pas connaît. Il connaît qu'il y a dans le monde. Mais pas de rentrer dans les guerres, pas de comprendre parce qu'il n'y a pas de faire pays. Je vous le savais pour ça. Zoom veut dire quitte tout quelque chose qui va profiter de la tête. Quand le Junaïd, Junaïd al-Baghdadi nous dit. سمعت سريا يقول وفي التنمو معوك في السريا السقفي لدي إن الله عز وجل الله سبحانه وتعالى سلب الدنيا عن أوليائه إذا الله سبحانه وتعالى في الكوكا الله سبحانه وتعالى ما بزا كوكا إلا إتيمكي السريا السقفي الله سبحانه وتعالى في السناتش إيوي في نعليف دي في سمان بون سيابيتير كذا فيها الدنيا فين تيا دبي نالكي أبان سو من بون سيفيدير الدنيا وحماها عن أسفيائه اللي فين بروتيز Il fait une cachette de nia depuis sur ma serviteur qui purifie les autres. Il fait une cachette de nia. Ah, c'est comme si on passait en arabe, frère. Elle fait une sieste à Dunia là depuis les guerres de Bantimoun qui est content, depuis les guerres sur Ban Mahbub, sur Ban Dianemi, Bantimoun qui est content. Les Annahou, la meilleure d'or à la Houm, parce qu'il n'est pas satisfait de venir pour ça, Bantimoun. Et qu'on les continue dire, Azahid, la yafrah, mais à Dunia, mais ma wujoud. Un djimoun qui zahid, un djimoun qui pratique 40 quelques autres, appelé l'inzahid. Et dire un zahid, il n'est pas content, il n'est pas, comment dire, attaché avec quelque chose qui est dans la dunya. Voilà, yassaf minha ala mafroud. Et il n'a pas sa grain quand il paye quelque chose depuis la dunya. Allahu Akbar. Ça veut dire, nous comptons dans la banque là, si les 0,00 sous, non, sorry, si l'IN, N et la N avant, on dit ça N. Si l'IN après 0,00,00, il y a comme ça. Correct. Mais maintenant, personne, alhamdoulilah. Mais pas pour dire, il peut bien le dire, quand on a tenté de téléphoner, il disparaît, il la même, il peut un tracam comme ça, il n'est pas attaché que ça casse là. Et si l'IN vient de nous, il peut tirer le médecin, il peut être capable de dépenser, donc il vit sa vie, il ne peut pas attacher que ça casse là. Et si même l'IN qui n'arrivait, tout casse là, fini. Ça passe 1,00, il y a 0,00 là-bas. Encore tranquille. Mais pas mais comment ça va dire là mon frère. Surtout la plupart pas tout businessman, la plupart pas businessman. Et nous disons comment y est là mon frère. Allez, pas possible. Tranquille. Non, pas ça. Qui n'a rien. Le PSI ne roule au capital. Le fait des faits au capital. Non, profit diminué. Les membres PSI au capital, ils ont profit qui fait diminuer sur la tête de fatigué comme ça. Qui fait ça? Ibn al-Jalla, il dit, Al-Zoud, écoute sa bonne signification, on est nécessairement dans notre guerre, ma frère. Il peut faire la magie, comment dire, automatique, Inch'Allah, il peut détruire notre guerre avec le mien, Inch'Allah. Amen. Ibn al-Jalla, c'est comme ça. Al-Zoud, huwa al-Nazru ila dunya bi'ayni zawal. Il dit, Al-Zoud, ce qui nous guette sa dunya là, avec un lisier, comment dire, il peut aller sa dunya là. Comment dire, il peut finir sa dunya là. Le guide sa dunya, comment dire, appelle un regard, on va dire, nous connaissons pas pour là, et derrière, ça peut finir ça. Pareil, comme une fois, Abu Huraira, radiallahu anhu, et c'est que Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il me voit bien dire, Rasulullah, ça fait maintenant, ça vaut le là, Al-Dun, Umul Yadim, une madame qui appelle Umul Yadim, il a un enfant qui a 6 enfants au Fela qui reste en ligne, Al-Dun, il s'agit. Abu Huraira, allez, tape la porte. Comme il a dit, maintenant, il y a comme ça que ça n'a pas. Il y a Abu Huraira. Il dit, qu'est-ce que tu veux faire là? Il dit, madame, il avait dit, Rasulullah, ça n'a rien fait dire pour toi, avec tous mes enfants, qui restent avec toi. Il dit, Al-Di, Rasulullah, alayhi wa sallam, dis-moi, pour mes enfants, je finis de manger. Abu Huraira, t'as dit, moi, mais gars, ça, puis demain. J'ai dit, comme ça, mais allez, demande Rasulullah, alayhi wa sallam. S'il demande garantie que vous pouvez jusqu'à l'Iman, il a un peu de temps. Je suis l'Iman. Donc, vous avez costé, là, il y a qui tient au bout, Inch'Allah. Pas payé pour le bouton blanc. Je vous perdis. Pas les autres perdis. Pas les autres des temps, mon frère. Parce qu'il peut sacrifier ça un samedi soir, vous êtes là comme ça. Il peut sacrifier ça. Et bon, c'est une autre chose à faire. Qal al-Junayt. Et du nez d'encore lui dire Al-Zoud, khal al-qalb, amma khalak min wal-yad. Et Al-Zoud veut dire débarrasse les guerres, ce qui n'a pas capable de débarrasser. Débarrasse les guerres, ce qui n'a pas capable de débarrasser. Imam Ahmed bin Hanbal, rahmahullah. Imam Al-Shafi'i dit comme ça il y a 8 petites choses qui me donne des témoignages que l'imam Ahmed bin Hanbal, le même imam dans sa huit petites choses. Et dans sa huit petites choses, il y a un affaire qui s'appelle Al-Zoud, de l'imam imam. Imam Al-Zahidi, imam Ahmed bin Hanbal, le même imam de Zoud. Imam Ahmed dit comme ça, quand ça cause là-bas. Machallah, j'ai mis Jintan. On a envie que je suis, on a envie que je fasse quelqu'un qui a plaisir dans l'écoute, dans l'écouter. Nous n'avons dit qu'aux exultés qu'elles. Pas avec les oreilles, avec les esprits. Parce que ça calame là, ça causait là. Inch'Allah, les choses étaient dans les cœurs. Fait le calame, il y a le calme, il y a le calme. Quand il y a la main, il y a comme ça, ça qui saute dans les cœurs, tombe dans les cœurs. Et ça qui saute dans la bouche, tombe dans les oreilles. Nous n'avons dit qu'aux exultés qu'elles, ça rentrait. Pas écoute ça quand même, plus posé de ta vie, écoutez. Non. Imam Ahmad bin Hanbal dit comme ça. Az-zuhd lahu az-zuhd ala thalatha awjah. Az-zuhd il a trois facettes. Trois facettes. Et le premier niveau, tarku al-haram, quitte ban quitte sol qui haram. Ça s'appelle ça zuhd al-awam. Et ça c'est zuhd qui la masse pratique. Tout le monde pratique ça. Tout le monde bien fait ça. Tarku al-haram et quitte ban quitte sol qui haram. Et le deuxième niveau, deuxième niveau de zout, tarq al-fudul min al-halal, quitte ban sur plus, quitte ban quelque chose qui est en plus de ban halal. C'est-à-dire, wa huwa zout al-khawas. C'est-à-dire, ça c'est zout de ban dimoun qui est spécial à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va blipper avec Allah. Je quitte même ban quelque chose qui est halal. Je quitte ban sur plus de halal. Fait comme un dimoun, alhamdulillah, il n'a le tout. Il y a la capacité à céder 3, 4, le tout. Mais qui lui fait que ça casse là? Il n'y a pas assez sa main de tout là. Parce que ça, il ne peut gagner pas assez 3, 4, le tout. Il n'y a pas plus cher sa main de tout là. Il est halal, il peut y assez. Mais c'est moi, il n'y a pas plus cher. Il prend sa large là, il met une construction massive. Ou bien, un dimoun, il n'y a pas assez de voyer des lenses. Beaucoup de lenses, il n'y a pas assez. Mais c'est ça qui est bizarre. Après, l'argent qui est resté, il donne ma khaira, il donne ma dimoun misère. Tant que le foudoul min al-halal. Ça c'est zouk d'al-khawas. C'est zouk de bandimoun qui est spécial à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans l'autre niveau, mon frère, zouk de l'arifin, zouk de l'arifin, zouk de band qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Arif billah. Al-arifuna billah, band qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que tu fais? Tant que ma yushrinu anillah. Je te dis tout qui tous. Qui les ont occupés depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Zed carré de fait tout quelque chose qui t'a pas empêché de penser Allah, empêché de connecter avec Allah, je quitte ça quelque chose. Fait qu'on va dire, un mat camarade qui a cité, je vais être solide dialogue, le football. Et bien là, tu vas écouter, et il peut connaître ça quelque chose là, il y a une quelque chose qui t'a pas coupe sa connexion avec Allah. Ça c'est même zouk khas, khas ou khawas, ban spécial de man spécial, zouk l'arifin, zouk de man ulama, le man dimoun qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Ça man dimoun là, quand vous trouvez une épaule qui quitte chose, qui empêche, qui coupe cette connexion avec Allah, vous êtes pas avec ça. Vous quittez ça quelque chose. Allahu Akbar. Moi je fais rire, je fais sentir zout, je fais sentir détachement. Tout ça man minimum là, il permet de faire un détachement avec sa dunya là, mon frère. Détachement avec sa dunya. Mais il ne fallait pas nous mal comprendre, on va dire la balance. J'ai la balance. Nous ne pouvons pas dire que nous devons détacher avec dunya, qui nous va gagner pas mettre joli linge, nous ne pouvons pas mettre joli soulier, nous ne pouvons pas mettre joli la case, joli le tour. Non, on ne peut pas mettre ça. Une fois que son habib, il n'y a pas de la source, il n'y a pas de la source, il n'y a pas de la source, il n'y a pas de la source, il n'y a pas de la Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il s'est content, habillé joli, mais un petit peu un chaussure tout le temps. Zouk, pas mettre un petit coup, il vient de renégliger sur l'apparence complètement. C'est un mauvais zouk, ça. C'est un mauvais zouk, ça. Les négligés, vous savez, une semaine qui siphonnait comme ça, il va dire, là, il désirait l'eau libre. Et là, il y a un petit coup qui va dire, ça, un petit coup, machallah, il va me dire, vieux, ça. Non, non. À l'époque, Aïcha, radiallahu anha, une fois, il trouvait un petit coup, puis il va aussi, doucement. Lentement, que de causer, comment dire, cette cause, vous allez, je vais comment causer, doucement, lent, vous allez parler d'un petit peu par les gars, comment dire. Aïcha demande avec un dimoun comme ça, qu'un sahab, il y a combien de dimoun là, ça. Un dimoun là, il dit, comment ça, c'est un dimoun qui pue, qui n'a pas poids. Aïcha, regarde-la, comment ça, comme ça, comme un marron. Quand il se fait manger, il se fait manger vite. Quand il se fait causer, il se fait causer clair. Pas se fait causer en parabole, vous voulez. Tu es à Nicolas, il fallait te mon niveau pour te comprendre. Non. Et parce qu'il peut causer clair, quand il causer comprend, direct. Quand il se fait battre, il se fait gagner du mal. Et parce que pour caresser, il bat, il gagne du mal. C'est vraiment connu que Roman al-Khattab, les parmi m'a dit que ma piste à poil aux alentours. Azoud, pas me dire qu'il nous a dit que nous avons des autres, nous avons des autres, nous avons des autres, nous avons des autres, nous avons des autres, nous avons des autres, nous avons des autres, nous avons des autres, nous avons des autres, nous avons des autres, nous avons des autres, nous avons des autres, nous avons des autres, Mais ce n'est pas pour dire qu'il y a des gens qui ne sont pas contents du lien. Non, les sirènes ne sont pas dans le lien. Comme Allah dans le Coran fait dire, voilà, tiens ça, n'en suis pas qu'un minute du lien. N'a pas oublié de pas dans le lien. Rote pas. Mais seulement laisse sa parole dans la main. N'a pas les sirènes de les guerres. N'a pas l'histoire attachée avec sa venir là, mon frère. N'a pas l'histoire attachée avec sa venir là. Parce que de toute façon, encore, Allah subhanahu wa ta'ala, les contents trouvent Athar, les contents trouvent. Ben, Fabien qui dit de l'insérité, il est content pour ça, l'Oli. Mais là, dans le Coran, dans le Coran, il dit Ba'amma, Ben'i'ma, Ben'i'ma, quand on a Fabien le Torah, le coup, il dit proclame-lui. Laisse Ben Fabien le Torah parler pour toi. Ben, dis-moi, Nabi, je lis, mais dans le Linaz, il ne veut pas dire qu'il y a des gens qui viennent à Zog dans le nom, au contraire, il y a quand même un million, mais ça n'a même plus grand Zalid qui est là. Ça n'a même plus grand Zalid qui ne renonce à lui. De continuer une minute avec une parole de l'imam al-Hassan, et dire comme ça, la définition de Zoud, je ne sais pas la définition de Zoud, et dire comme ça, laïs Zoud fit dunya bit ahrim il halal, et dire Zoud dans le dunya, c'est pas fait haram, c'est pas fait halal bin haram, voilà, il doit être mal, et comme ça même, c'est pas perdu l'argent de la vie. Et je vous dis, bien à manger, ce madame, ce madame, ce madame, bien à manger, ce bagage, et c'est tout cas, c'est donné, et si elle lui donne, après, il dit même, il y a une société, voilà, car il dit casse, un petit compte de chauffe, mais normalement, nous ne savons pas, nous ne pouvons pas faire ça. Il dit comme ça, Imam al-Hassan, il dit comme ça, mais un zoom veut dire, content ça qui est là contre Allah, plus ça qui est là avec toi. Content ça qui est là contre Allah, plus ça qui est là dans la main. Et, pas plaigner dans ma difficulté, mais content récompense qu'il nous peut gagner pendant sa difficulté. Comment sa définition qui m'a mal Hassan lui donné. Et c'est comme ça, content ça qui est là côté Allah, plus ça qui est là côté nous dans nous la main. Et pour m'a dit, elle me dit, oui, elle nous a laissé marcher le jour, elle nous a laissé la terre. Allah, elle nous a la terre, ça. Elle nous a la terre. Elle m'a fait qu'à peu se laisser. Mais ça l'est là, ça c'est l'islam. Et c'est côté Allah, subhanahu wa ta'ala, la main pour. Mon père capable, échange, mon pour. Quand ça, on peut trouver, il peut paraître tellement joli, il va dire, mais c'est mal. Zenesta les plus contents ça qui est là que ce rab qui ça qui est dans nos alentours. Donc on pense à votre frère. Et votre frère. Pareil comme une fois. Pareil comme une fois, un jeune garçon et tout une jolie madame blanche. La peau blanche, cheveux blondes. Jamais, c'est déjà le couleur. Marron, gris, etc. On connaît. Zenesta est tombé, mais c'est une bestie sur le bain que j'ai. Madame est agacée, il dit comme ça, mais ce bestieux que tu viens de finir, qui se dort moi, qui ne peut pas dégoûter. J'ai essayé de pas dégoûter, moi, mon pas bien finir par dégoût. Il dit comme ça, me lié parole-là. J'ai peur que votre beauté me fasse oublier ce que Dieu a réservé pour ses bons serviteurs. Seul un imbécile fera l'échange de l'éphémère, fera l'échange de l'éternité contre l'éphémère. C'est un imbécile qui peut échanger ça qui l'éternité contre quelque chose qui peut durer pour quelques heures, pour quelques moments. C'est un imbécile qui peut faire ça. Allah, Akbar. Ben frère, content ça qui est notre Allah, plus ça qui est notre nous, et pas plaigner de ma difficulté. Comment dire, même pas de ma difficulté. Parce que sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de même difficulté. Mais seulement quand il peut gagner une difficulté, savoir qu'il peut gagner, quand il peut gagner une difficulté là, il est satisfait que ça travaille. Il n'y a pas venir à dire qu'il plaigne tout ça, il n'y a pas problème, elle te connaît comme ça. Non, venir à dire qu'il faut dire, qui m'a dit Alhamdulillah, Alhamdulillah, khair, ala kulli hal. Malade, pétéané, laissez-moi faire ce rythme. Alhamdulillah, ala kulli hal, Alhamdulillah. Ou bien, je suis à savoir qu'il veut gagner quand on a une difficulté là. L'exemple, oublie qu'on pense à mon frère, l'exemple de Asiya. L'exemple de Asiya et madame, là nous prenons l'exemple de madame et Benzoum. Ouvrez les oreilles, ouvrez les gars, écoutez l'exemple de madame Asiya. C'était ma reine. madame de Pharaon, la reine. Et tu possèdes Salomon-là complètement. Qui gagne mon temps, tu lèves sur les doigts comme ça. Des milliers de serviteurs, tu peux allumer pour faire son rythme. Et moi. Des milliers de serviteurs, tu peux allumer pour faire son rythme. Et si on veut envoyer la case, tout de suite, un château monté, vous n'avez pas la case, tu peux rouler. Château, tu as gagné. Comme le château, tu as envie, tu as gagné. Mais qui l'a fait, ça, madame-là? Il dit, n'amène iman. Amanat billah. N'amène iman à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et qui l'a dit? Qui l'a dit? Qui doit arriver une texte au Rab? Il dit, dans le Coran, Allah n'a enregistré ça. Quand Allah peut enregistrer une question dans le Coran, il faudrait vraiment être content de sa question. Allah dit, qui dit, madame-là, il dit, Rab, bibnili, indaka, bayban, filjat. Ou Allah arrange pour moi que toi. Il demande le voisinage avant qu'il demande la case. Il va dire, voilà, arrange la case pour moi que toi. Il arrange pour moi que toi. Il demande le voisinage avant lui. Voilà, arrange pour moi que toi et la case dans le jannat. Il préfère ce qu'il a ou là de ce qu'il a de l'univers. Les bébés de l'île en bas, au disciple, par exemple, comme ça, même les bébés de l'île au disciple, mettez un gros rose là-haut. S'il a accepté, quitte ce dîme. Retourne à sa tête, s'il n'y a pas accepté, c'est ça pour poster à l'Oli. Amène-lui, on va mettre l'Oli au disable, va la trouver périllée. Elle est claire avec toi. Tiens, non, on va trouver la case qui m'a demandé de la jeune. Allah, subhanahu wa ta'ala, il m'a montré la case que je lui ai arrivée. Parce qu'il est content là-bas. Mais il préfère la balade qui s'aligne à la. S'il est collé à l'Oli à la, combien de temps il voulait? Elle l'a même. Combien de temps? 100 ans. Descends. Il s'en fout, il finit que l'Oli comprend sa réalité. Mais aujourd'hui, il y a certains nous amants qui ne comprennent pas ça. Ils restent dunia, dans ma tête un peu, dunia, business, n'arrive même. Il peut arriver même 60, 70 ans, ils vont encore faire peur pour que nous sommes enfants, ils vont encore, il y en a autant de millions dans la banque, mais regardez, ils vont encore, disait Babeda, comme pour moi, ça, comme ça, ça, ils vont encore même guetter que tu peux aller, ils vont encore même dire que tu fais ce testament parce qu'il y a encore des gars de casse la ils pensaient qu'ils pouvaient vivre éternellement. Et là, quand ils finissent, vos enfants s'en prennent la guerre, parce que maman, papa, m'a récit, fait peur, quand ils vont. Papa m'a récité un état, ça coûte la terre là pour toi, ça veut le coûte la terre là pour les gens. Mais pas un récit, papa, parce qu'il pensait les bougons de ça, tout le monde sur la vie. Et si vous vivez éternellement, ne sauvissez ce qu'il dit. L'exemple d'Ibrahim alayhi salam, les enfants qui étaient plus contents, et voilà, elle a fait des avec lui, dans un vrai qu'il est plus content même, parce qu'elle n'a pas content de l'équerre, qu'il est rentré, et il y a l'autre qui peut faire rival avec lui dans sa équerre là. Il y a l'autre, l'aspect d'un dunia qui fait rival avec lui, elle n'a pas content ça. Alors, on lui fait Ibrahim alayhi salam connaît. Est-ce que c'est un peu plus content? Allah subhanahu wa ta'ala ou bien dunia? Il a dit ça qui fait ta besoin. Tu as gagné ça là où 80 ans, tu as gagné un autre vieil là, un autre vieil jour. Il ne commence pas aussi avec toi, alors il coupe sur les coussins. Il a dit commence coupe sur les coussins. Allah subhanahu wa ta'ala crié wa nadaïna wa ya Ibrahim. Oh Ibrahim, quand saddaqta ruqya, tu finis réaliser ton rêve. Qui rêve? Tu finis arriver, tiens, dunia dans tous les cœurs. Oh Ibrahim, tu finis arriver, tiens, dunia dans tous les cœurs. Et me dire, il y a une autre chose comme ça ici là, ma frère. Je dis, Alhamdulillah, il y a un espoir. Je me fais voir, Inch'Allah, qu'il y a un monde qui a donné notre décret. Combien parmi nous, parce que vous comptez, restez sur la case en voyant 5 semaines d'enfants, en bas sur le père, dans sa presse, et là, avec ce matin, avec ce matin, c'est un samedi soir avec les causés. Je quitte sur la case, quitte tout ça là. Qui faire pour écouter concernant Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah, il va être fait pour Inch'Allah. Allah met barakat dans ce péché, ma frère. Et Allah fait ce péché détaché que sa dunya là complètement. Allahumma ja'ali dunya, Allahumma la taj'ali dunya akbar hammina. Ou Allah pas fait dunya avec une plus grande affaire. Ou Allah mablagha ilmina. Et pas fait les mines qui sont. Ça peut être toute une connaissance. Ça même une connaissance qui était dunya. Non, pas fait les mines comme ça, ya Rabbi. Allahumma la, apprends sa du'a là, il demande sa balade en passant à qui veut venir là. Allahumma la taj'ali dunya akbar hammina. Ou Allah n'a pas fait dunya, vienne une petite chose qui nous plie grande frappe, ça même nous plie grande frappe. Apprends ici, pas que ni en arabe, demande ni en créole pendant 3 semaines là, jusqu'à qu'il nous joigne, après 3 semaines, Inch'Allah les 21 gens, après 3 semaines qu'il nous joigne, demande sa du'a là. Ou Allah tient dunya dans mon équerre, ou Allah tient dunya dans mon équerre. Demande un dimoud qui est attaché avec Akhirat. Qui fait mon bizarre et un zahid, qui fait mon bizarre et un dimon qui détache le nerf de la molécule. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit comme ça, « Ida arad Allahu bi'abdin khayra, quand Allah voulait du bien pour un serviteur, lui met un pizzo dans ce léguer qui fait lui comprendre réalité du bien et réalité akhirat. Qui fait lui différencier entre dunya et akhirat. Qui fait lui comprendre que dunya zahil, dunya bi'alisa. » Allah subhanahu wa ta'ala faisait la suite de comment Allah subhanahu wa ta'ala nous retenait pour pas s'arrêter là. Dans Surah 57, 57-20. N'est-ce pas 57-20. Faire les efforts, moi de 30 la gaz avant frère, de trouver un Coran. Je vais prendre l'engagement là, Inch'Allah. Inch'Allah. De 30 la gaz, de trouver un Coran, le Coran, traduction, créole, anglais, français, etc. 57-20. Al-Ghid s'arrête là. Allah dit là. Et elle a dit, connais, elle m'a le hayat de dunya. Qui s'est la vie de dunya là, la un jeu. Voilà un amusement, wazina, une décoration, watafahurum bainakum, et un paillage en Dieu pour vous faire plus l'arrogance, plus grand noir, un paillage en Dieu pour vous faire connaître celle qui est plus fort. Allah subhanahu wa ta'ala, dunya, saisissez un paillage en Dieu pour vous faire connaître celle qui est plus fort. Qui est un français, une fois? Ils disent comme ça, on ne peut rien comprendre. Dépense 57 millions là. Faire autant de millions d'immunes déplacés pour une salle, pour faire maintenant, get back le tout, faire des tours. La piste. Un Français, c'est peut-être une réflexion. Il n'y a pas de comprendre. Donc, on est en train de voyager, formuler un spaghetti là-dedans. Il n'y a pas de comprendre qu'il comprend qu'il fait dépenser 57 millions là-bas. Une chaîne télévision vini comme ça. Milliers d'immunes vini comme ça. C'est ce qu'il fait. Juste pour mon guetman, le 2 fait les tours, une la piste comme ça, tout en rond comme ça. Et guetter ça n'a qu'une gagne plus fort comme ça. Il est tellement bête qu'il met maintenant musulman à arriver, trouver des bons de sa bêtise là. Tu peux te déplacer, mais tu connais quand même le formulaire, tu le tours avec moi, elle est tout, elle est tout, tu fais des tours, mais qui a voulu te tourner en rond comme ça? Ça peut être une bonne question. Elle a dit, moi, tu es tout de France, si Christ allait rouler, pédaler, tu as dit, moi, pédaler, pédaler, pédaler. Il n'est pas fatigant à la fin. Pourquoi fatigue plus que moi, tu me fais aussi Christ? C'est Christ pédaler, mais qui fait la roi? On parle de football. On parle de football. Est-ce que. Quand la pluie tombait gros gros dans la terre, il y a un planteur, les autres guides de ma plante, comment ils poussaient comme ça? Allah subhanahu wa ta'ala fait comprendre les compas du nia avec la pluie. Il y a quand la pluie tombait comme ça, ça a été là sur ma plante, fait pousser comme ça, et ma planteur, ça allait là, les autres guides de ma plante. C'est faux que je ne fais, je ne sème la graine, et ça me fait une jolie plante comme ça. Alors c'est comme ça, A'jab al-kuffar nabatu. Ma planteur se fait étonner avec sa ma plante, il y a là. Ensuite, qu'elle a dit, thumma yahij. Ensuite, je ne fais pas le tout bizarre. Je ne commence pas à lire ma plante, je ne commence pas à lire. Fatara mousfarra. Je commence mon livre in zun. Thumma yakun ou hudra. Ensuite, il sait que ça fait, là, il finit. Wa fil akhirati adabun shadid. Wa maghfiratun min Allah wa ridwan. Et dit, ensuite, ça fait, là, il mourra, il finit d'y détruire. Allah peut faire compagnie de venir, il dit comme ça, de venir, il est comme ça, même dit. La pluie tombait un peu comme ça, là. Peut-être pour quelque chose d'extra, je lui tenais bien éveillé par ça. Et, mais il insiste sur là-dedans, il insiste l'amusement. Mada'l-gurur, l'amusement, une déception, ça. Mais tu t'es étonné par ça. T'as, par exemple, un planteur finit étonné avec ce plant, nous finit étonné par le dia. Et après, un petit moment, il finit. Allah Akbar. Dans Sourah 87, ayat 16, 17, Allah dit Bel tu'irun al-hayat al-dunya, mais je fais une choisir avec dunya. Allah qui dit Wal-akhiratu khayrun. Mais akhirat le meilleur, vous êtes les plus durables, les d'éternité, c'est mon frère. Allah subhanahu wa ta'ala dit, je prends l'exemple avant de partir. Une fois, un dimoun, les gens vivent dans un château. Dans ce château-là, il y a les rois. Peut-être tout ça l'exemple, dans le livre, il y a qui livre ça. Ben, un hadith, on a un exemple. Un dimoun, les gens vivent dans un château, les rois. Ben, un dimoun, tu connais dans le divan, château, les rois. Et il y a un gros lycien qui fait les tout. Gros lycien droit qui fait les tout. De Béaman, pour aller quitter un gros lycéen, pour la soupe, vous allez faire les tours, vous allez voir ça tout. Il dit, si tu n'as pas de bout de pain avec ta note de poche, mon pari, quand ça, ça tout là, prends un tibana, un exemple que tu es content. Il dit, c'est un peu la lune d'ailleurs un tibana, que vous faites rentrer facile, que vous faites voir. Dis-moi là, l'hiver, il rentre devant sa tête, il trouve l'hiver là. Et puis, il dit, c'est un peu moi, l'hiver, un tibana comme ça. Il va gagner l'impression que vous êtes l'imam aussi. Allah peut être ce prophète comme ça, n'a pas l'estolisé à l'oban, quelque chose qui nous finit d'une banna, de ban épouse. Zahra tel ayat et dunya. C'est un quelque chose qui se fait jouir dans dunya. Les neuf dina humfi, pour nous tester, je te la dans. Waris pour rabbika khayrun wa abqa. Allah dit, waris pour rabbika khayrun wa abqa. Et risque de ton rab, risque de ton rab, il est meilleur, il est plus durable, il est plus resté. Mon frère, mon sœur, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit: "Man kanat al-akhira, man kanat al-akhira hammuhu." Celui qui a akhirat se tracasse. Akhirat se tracasse. Dans ma tête, tantôt, il est avec qui m'ont parlé, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, sallallahu alayhi wa sallam. Quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit: "Ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi." Allah pour mettre sa richesse dans son équerre. Celui qui a fait ce trata, Allah met sa richesse dans son équerre. Celui qui gagne Allah sa richesse, Allah. Ya'ish, fi sakina, il reste dans la tranquillité. Il vit dans la paix tout le temps, parce qu'Allah qui met richesse dans son équerre. Wa jama'a lahu shamlahu. Allah pour rassembler sur un petit chose, sur un travail qu'il a, Allah pour rassembler sur un travail. وأتته الدنيا الدنيا فين كدلي وهي راغمة الدنيا فين سمت علي et celui qui fait dunya vient se tracant Allah pour mettre faqr en se déliser Allah pour mettre faqr et Allah pour faire ce matin qui ce matin travail tout le temps il y a un travail même pour les faire il travaille dunya même lui et il n'est pas pour gagner dans la dunya là excepté ça qui fait nous décréter pour les gagner c'est-à-dire ça qui nous manque pour les gagner il n'est pas pour gagner pas il manque 5 groupes pour les gagner 5 groupes pour gagner et ça vous là pour finir vite. Comment dit-on dans le livre, il peut pas avoir la case. Et il peut pas avoir la case. Parce qu'il y a toujours la case. Il peut gagner même beaucoup. Ben, même qu'il y a 25, il peut gagner pour moi. Mais au temps de là, tu peux gagner 25 ou pi. C'est moi, tu peux arriver à faire compliqué de choses alors. Donc, tu peux gagner 25, peut-être 3000. Il peut pas avoir la case dans sa case. Qui fait trop de temps à la journée. Une fois que Bailly peut venir comme ça, il peut gagner sa situation. Il peut penser, je ne savais pas, il peut gagner sa situation comme ça, peut-être comme ça va aller. C'est vraiment la vérité. Quand vous finissez qui tu travailles au business, tu allez gawal la case. Vous par contre, il travaille. Évidemment, non, on travaille. Pourquoi pas. Donc, il peut travailler, on va aller contre la case. Le travail, c'est plus manger. Pourquoi pas plus manger. Et non, mais j'ai plus manger la case à moi. Donc, la tête, tu vois, mais quand il travaille. Non, oui, mon continue à être à cas. Même vous allez bonner, même vous êtes coupé, vous êtes coupé, vous êtes business, tout ça. Mais vous restez dans le même travail. Mais vous malade. Si vous n'avez pas gagné malade, qu'est-ce que vous la deux pièces sur l'appareil vous faussez, si vous gagnez dans la tête. Si. Mais là, la baguette n'en casse, mais gagnez même pas avec la barre suivie. Pas avec la suivie. Parce qu'Allah vient finir en l'air, baguette là-dedans. Il finit fan sur une petite chose. Et un hadith qui est extraordinaire, mon frère. Nous pensons seulement trois hadiths, on va dire ça, hadith, très bien, mon frère. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, comme ça, izhad fi dunya, izhad fi dunya, fi azoud, renonce sa dunya là, qui vous gagnez avec tout. Allah pour contenter. Votre frère, il y a quelque chose qui est plus important qu'il y a Allah sur l'amour, Allah sur l'autre. Il est important que content Allah. Et ça qui est plus important, mon frère, c'est qu'Allah compte avant. Et ça, c'est un cadeau qui. Allah est souvent serviteur, qui est content, qui est choisi. Si vous gagnez ça, mon frère, arrête de vivre. Si vous gagnez ça, arrête de vivre. Allah qui t'aime, ma tuf. Si vraiment. Maintenant, Dieu fait dire, nous-mêmes, Allah l'appliquons dans nous, nous-mêmes, les enfants, Allah l'appliquons dans nous. Allah dit, mais si vrai, même ça, Dieu fait dire la vraie, Allah l'appliquons dans eux, je donne les enfants, Allah, je lui. Qui t'a fait? Fait ta main, Taoul? Maout? Mais les mains, Maout? Mais bon? Fait l'infini content, toi, mais qui te fait faire de la terre? En deux mois, Allah fait dire, mais l'infini content, toi, mais qui te fait faire de la terre? Bon, allez! Mais que moi, le top, ce qui me faisait de la terre, c'est l'infini content, toi. Parce que la terre qui me fait vivre, vous qui l'a fait? Vous gagnez un instrument, vous gagnez un instrument. Et si les Fénicains, ça peut rester en complice. Allah dit, voilà, il y a un maintenant, là, vous, après, d'un bima, après, d'un matin, vous, jamais, ça peut les mettre là-haut, jamais, ça peut être là-haut. Parce qu'ils se connaissent qui vont pécher le Fénicain. Ils se connaissent qui vont pécher le Fénicain. L'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour gagner, ma frère, quand on renonce à sa lumière. L'autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui fait tout ce matin, il a une seule tracade. Qui tracade? Qu'un jour on a pour répondre pour rendre, un jour on a pas un compte. Celui qui fait ce tracamine comme ça, Allah, le prophète dit comme ça, Allah protège contre tout mon tracas qui va pas venir. Et celui qui a pendant, ça ne s'avoue pas, c'est un mot grave. Celui qui a pendant avec tout mon tracas qui vient dans sa dunia là, Allah n'a pas pour casser la tête, il va aller au film beau. Et celui qui a pendant avec mon tracas qui vient dans la dunia, Allah n'a pas pour casser la tête. Donc qui va aller ni fin mot. Donc qui va aller ni fin mot, Allah n'a pas pour casser la tête. Allah. Allah. Allah. Allah. Azout. Azout. Est-ce qu'il n'y a pas besoin de l'usman dans le cœur? Il n'y a pas besoin de l'usman. Un mousse peut y aller, t'appli. Après, pense aux les ailes guettées. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pour moi, si ça n'y a pas besoin de l'usman, les ailes mousses là, un qui fait un imam, n'a pas besoin de l'usman, des lieux où il voit. Adunia comparé avec Jannah, il faut dire une fouette sur l'espace qu'il est occupé. Vous connaissez une fouette comment elle est. Vous mettez ça dans Jannah, le prophète a commencé à sa place qui est une fouette est occupée dans Jannah, les meilleurs ça qui est dans sa dunia, avec sa dunia. Jannah, Allah. Ben frère, dès l'exemple, on va dire, je t'emmène là. Je t'envie de vous dire un Bois, est-ce que quelqu'un boit aujourd'hui, Inch'Allah? Dès l'exemple de Imam Zahidin, Imam de Manzahid, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il peut arranger en bas le matelas, c'est des manifestes par le palmier, ça. Et le prophète fait lever, ça fait un mort, le flanc ici-là. Un sahabi, il dit, c'est pour ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il te parle de faire un matelas qui plie pour toi? Qui te parle avec sa bande mort là, et vous me dites, Mali, what dunya? Qui vous fait avec sa dunya là? Qui vous est avec sa dunya là? Et bien, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, peut dégoûter, il trouve un bédouin qui est une valide remplie avec cabri, avec man cattle, avec man bœuf, avec ses animaux de rempli. Il gagne ça en train de la guerre là. Le prophète peut trouver un bédouin qui est ça comme ça. Le prophète dit comme ça, attends, j'ai vous avec, et puis il donnait pas ça. Attends, j'ai vous avec, et puis il donnait pas ça. Il a dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam donne qui a été quand il donnait, il donne qui a été donné de celui qui part payer pour les pauvres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour moi, il s'allait mon âme pour m'a dit un voyageur. Et quand il répond à un pied, dans mon âge un pied, après mon vrai cause, mon vrai sorti. Vous connaissez, comme dit vous, nous connaissons maintenant. Vous connaissez quand c'est un conflit pour résoudre dans une société, quand nous arrivons, qu'on prend avec les guerres, qui s'allument dans la vie pour aller. Vous connaissez quand c'est un conflit qu'on va résoudre dans nos enfants. L'héritage ou pas, c'est qui le problème qu'il y a aujourd'hui? Ça, on va dans la mort. Guettez comme la terre moussalman que j'entends dans la mort. Sans héritier, que la guerre. Pas les signes, même pas les signes, même pas les chrétiens. Goûte la terre. On va dire, c'est quoi l'horreur de notre travail? On va dire, comment avec ça notre travail? Notre travail, il fallait qu'elle goûte la toile, mon frère. Combien de millions qu'on a possédé? Combien de millions? Allez, vous possédez quand? On va faire un moment ici. Plaisance. Vous possédez plaisance où? Quand on va dans la terre, quand on va dans la travail, qui vous faire? Faut aussi, quand on fait pour 26 mois, je vous dessine l'ombre à plaisance, là que dans une photo, on vous dit, je vous l'ai dans la cabane. Ouais, tu n'as pas fait ça, quand tu n'as pas fait ça, quand tu as le 2, maintenant dessine une photo le 2 là, vous êtes messieurs dans sa base de ce terme là. Allah. Nous m'a dit, moi, Zahid, un dernier exemple, et nous vous prenons comme un exemple, encore comme ça. Encore comme un exemple, nous voir dans 3 semaines qui va venir, mais pour faire ça pour Ramadan, la Mazid Baï, la Mazid Al-Furqan, Inch'Allah, dans 3 semaines, le 21 juin, mais pour faire ça là-bas. Maintenant, qui a envie d'être quelqu'un de vérifier, nous autres rendez-vous là-bas, Inch'Allah. Et va dire qu'il n'est pas capable de venir pour faire d'autres plusieurs semaines. Ça va faire la chose de l'éclair. Et qu'est-ce qu'il faut, mon frère? Qu'est-ce qu'il faut bouger? Bizarre, vous êtes à l'ouïe, c'est toujours dit, bizarre, nettoie ça l'éclair. C'est bien important, nettoie ça l'éclair. Saïd bin Abi Waqqas, un solide ces histoires en même temps, nous là. Une fois, un bâtiment qui sortit depuis un endroit qui s'appelle Hims. Dans l'Empire islamique, il y a un endroit qui s'appelle Hims. Elle m'a dit une délégation sur la bande de Omar bin al-Khattab. Omar bin al-Khattab, radi Allah, il est comme ça, écrit à un pauvre qui est là pour le faire, pour le casser. Les bandes ont écrit, Omar bin al-Khattab, il trouve Saïd bin Abi Waqqas. Omar bin al-Khattab, il y a un souk. Il dit, comme ça, Amirukum faqir, vous gouverneur pauvre. Omar bin al-Khattab, radi Allah, il est timide, ça dit, il appelle Saïd bin Abi Waqqas, ça comme gouverneur. Province. Il appelle gouverneur une province. Gouverneur une province, une province qui est bien riche, qui est la place, Hims. Et gouverneur, c'est l'empire musulman, ça à l'époque, il y a l'argent, puis il vient, puis il rentre, même parce qu'il a fini conquérir l'empire romain, l'empire byzantin, tout ça, maintenant, l'empire là, il vient de conquérir, et l'argent, puis il rentre. Puis il fait écrire, maintenant, on dit, il met ce nom pour se gouverner, ce nom-là. Moi, j'ai un il y a plusieurs jours passés côté lui, j'ai fait pas l'immersion sur la case. Pas de carrément. Omar bin al-Khattab, regardant un clou, il était ça. Il tient un sac d'argent, il donne un sac d'eau. Il dit maintenant qu'on a demandé 2000 sacs là. Bon, maintenant, on travaille, il quitte sa sac d'eau là, avec Saïd bin Abi Waqqas. Il y a un devant la porte, il dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ce matin, il dit qu'il y Omar bin al-Khattab est mort. Il dit non. Il dit non. Il dit non. Plus grave qu'il s'est arrivé. C'est plus grave qu'il s'est arrivé. Il dit oui. Il dit oui. Il dit oui. Il dit oui. Il dit oui. Il dit oui. Il dit oui. Il dit oui. Il dit oui. Il dit oui. Il dit oui. Il dit oui. Il dit oui. Il dit oui. Il dit oui. Il dit oui. Il dit oui. Il dit oui. Il dit oui. Il dit oui. Distribué parmi ma pauvre. Et un jour, un homme d'un frappe est venu à sa langue. Et après, il m'a dit comme ça. Moi, j'ai envie de demander une question de gouverneur. Saïd bin Abi Waqqas. Il m'a dit comme ça, Alhamdulillah. Un bon dit comme ça. Mais il y a 3 questions qui ne sont pas contents avec lui. Tout le temps, du monde n'a rien pour se faire. Tout le temps, du monde n'a rien pour se faire. Maintenant, un homme d'un frappe est sévère. Si c'est vrai, il n'est pas si content que je vais sur un gouverneur, il fait des choses exagérées. Ah oui, maintenant, l'aide, il vient de Dieu en personne. Omar bin al-Khattab, il appelle-lui. Appelle-lui, il vient devant, j'allais comme ça. Maintenant, il est satisfait avec toi, mais il y a 3 questions, il doit bien répondre. Quelle est-ce que ça? J'allais comme ça, Et là, il y a tant de soleil, il est faux. Le soleil finit, il est bien là-haut. Il est là, il est sorti pour aller de Bandimoun. Le travail, c'est la mire, il est bien sorti pour aller de Bandimoun. Pas si dans le royaume con. Quand vous passez par les guingantins, prenez ce bureau, il va y aller. Il avance tout le dos de ce guingantin. Il vous avance d'appoiement des verres. Il avance tout le dos de ce guingantin. Non, pas seulement qu'il y a des amis, là, ça. Amirona, ça c'est nous, un ami, ça nous m'a dit, oh, qu'il vive. Il sortit tard, il en retard, puis il sortit pour la guette bandimon. Ensuite, ensuite, il a un jour dans un mois, il n'est pas sorti pour les personnes. Il reste sur la carte, il n'est pas sorti. Et troisième petite chose, la nuit n'est pas causée de personne. Soit elle n'est pas arrivée, elle n'est pas causée aucun dimon. Aucun dimon n'est pas causé. Moi, je n'ai pas tort qu'elle dise à l'église. Ah, Saïd, allez, répondre, qui demain me répondre. Ah, c'est sévère. Avec son gouverneur, c'est bien sévère. C'est tension qu'il y a dans ma dérapage. Et c'est comme ça, je me suis sorti tard pour aller dans le dimon, parce qu'il m'a fait un gérant qui travaille avec moi. C'est moi-même, mon bac, mon appât, à Paris, mon pays, mon diplôme, pour la famille. On fait rythme pour la famille. Et là, on fait un arrivé, un mobilier, puis tout ça là. Et là, on fait aussi parler de Bandimoun, un gouverneur, ça, une province. On fait un serviteur qui travaille avec lui. Et un serviteur qui travaille. Ça fait moi rappel un miroir qui s'appelle Alamgir. على ندير اللي هو دون لينز اللي هو كما فيف تاع زعما تبي مون دي لاكيس لاكيس رويال كما سي تبي تبي كاليغرافي تبي تبي كاليغرافي عرب انت تبي كريم القران لي بان سا بان قران عليك ساكا ساكا تبي فيف تاع لذلك بنا تسعيد دجام انجو دا الوقت باسو تيجو جنامير انجو دا باسو تي نو pas mal de vacances londoniennes, ça. Pas mal de vacances londoniennes, ça. Non, non, non, non. Un vacances fédérées, tout le temps, pour le moment, pas aimé, bah, là, il s'est promené. Non, non, non. Pas ça, ça. Un jour, là, un mois, il n'est pas sorti, maintenant, question de nuit. C'est là, Omar. Là, est-ce qu'il te fait trouver le moment, Menensel? Menensel, ça se roule là, vous mettez la bonne avis, vous mettez les secs. Parce que là, on va rien sortir. Parce qu'on va mettre les secs. Et quand il finit sec, et là, on demande encore à sortir. Allah. Et là, on a des conseils. Oh, Saïd, fais que tu ne pas sortir à soir. Fais-tu pas qu'il y ait un soir. Il dit, là, moi, je fais la journée, je viens pour Dimoun, et le soir, moi, je fais ça pour mon Rabb. Pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Il s'assoit, on ne parle pas avec personne, parce qu'il s'assoit, il est réservé. Si c'est pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Omar ibn al-Khattab, il est comme ça. Moi, je suis satisfait. Moi, je suis satisfait. Tu n'es pas décevoir, moi. Oh, Saïd, et moi, Ali Waqqa. Allah. Et donc, comme un exemple, une histoire comme ça, je vous raconte ceci. Du point de la vie de l'imam Hassan al-Basri. Imam Hassan al-Basri, la prochaine fois que nous venons, nous vous racontons la vie d'imam Hassan al-Basri. Taj, une couronne parmi les Zahiri, parmi les Zahiri, une personne, nous devons prendre des rôles, Inch'Allah. Et donc, comme un darajat, qui m'a un degré, il y a dans Zahut, qui m'a un niveau, il y a dans Zahut, donc pour nous proposer en détail encore, Inch'Allah. Vous dites, c'est un lamaise, c'est un lamaise. Nous vous causons ça. Le 21 juin, Inch'Allah, dans ma zine, elle ne faut pas, pas, il est toujours un samedi, le 21 juin. S'il n'est pas le 21, ni le 22, maintenant ça date pas, mais il coûte en fait 3 semaines, toujours. Le 21 juin, dans ma zine, elle ne faut pas, n'a pas, Inch'Allah, ça, on va faire un. Allah, on va nous demander, nous demandons, nous demandons, nous demandons, nous demandons, nous demandons, nous demandons, nous demandons, nous demandons, nous demandons, nous demandons, nous demandons, nous demandons, ولا مبلغ علمنا بفعلين زسنو فاصون كي نبغي ان كونيسان زسنو كي تو كي سي كونيسانس كي ناس في الدنيا يا رب ديتاش نو لي كير اك دنيا يا رب اخرج الدنيا اخرج الدنيا من قلوبنا ولا سي الدنيا نبغي ولا سي الدنيا نبغي يا رب فهمين من ديمون كي سانسير اك تو يا رب فهمين من ديمون كي كونت اك تو كي تو كونت ولا فهمين سانسير Viens nous venir parmi tes bonnes salités qui sont sincères et viens nous venir parmi tes bonnes salités qui comptent à toi, qui te comptent à toi. Amin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi. Ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.